d'oppression, de 1000 ans de soumission. Tu représentes l'âme des moutons, de peuple en pleine perdition. Tu es le dieu du pognon et de la corruption. De 1000 ans d'esclavage, de 1000 ans de mensonge, de 1000 ans d'oppression, de 1000 ans de soumission. Jésus-Christ, seul juif.